Bonjour, bonjour, monsieur le ciel. Salut à toi, la lumière. Bonne journée aux hirondelles. Bienvenue à toi, la cafetière. Bonjour, bonjour, les croissants. Salut, les tartines beurrées. Bonne journée aux mazagrons. Bienvenue à toi, le sucrier. Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bonjour, la confiture. Salut à toi, petite cuillère. Bonne journée aussi au mur. Bienvenue à toi, tout passager. Bonjour, bonjour, le cendrier. Salut, la première cigarette. Bonne journée à la fumée. Bienvenue à toi, mal de tête. Good morning. Hello. Danke schön. Bonjour, bonjour, t'as bien dormi. Salut à toi, bois ton café. Bonne journée, bon appétit. Bienvenue à tes lèvres sucrées. Bonjour, bonjour, à quel beau jour. Bonjour, bonjour, à quel beau jour. Bonjour, bonjour, à quel beau jour. Bonjour et au revoir, mon amour. Allez, hop là.